Et bras, ils disent que le rap est mort, qu'on a peur de notre sort et qu'on a tort de penser un jour, se frotter à l'or. Et alors, je m'en fous, je veux tout niquer, je tourne pas en rond comme ceux pour niquer, nique sa mère, ça s'est niqué ou pas, en sacocherait, ça passagerait pas, livre du pur anexa, j'irons pas, c'est quoi ça? L. Anderson, BRA, Fafa, Manu 83, Renoir, écoute-moi ça. Si j'étais blessé, j'aurais pas stressé, me redresser, allumer une pas sur la tête, pas une décès, pas ma signature de décès, j'ai laissé à terre comme une pute, car je lutte ici, c'est dans le sud, la vie est rude, c'est trop chaud à survivre, toujours dans la poche de calibre, car on sait que c'est pas un pays libre. Soit trop de fractures, mon corps est plein de fractures. Mais l'hamdoulilah chez moi ne prend pas trop dur. Que de la douce c'est celle qui purge. J'ai, ma peine j'ai bien purgé. On l'envoie au surgelé, la fierté je suis pas sûr que j'ai. Mais je suis conscient des faits. Le micro je l'écorche, ma de ceux qui viendront torcher. Faut pas chercher, c'est la vie et la vue. C'est tracé, elle te laisse des traces et des plaies. Pour ça que je fais ce qu'il me plaît. Sans pardon ni s'il vous plaît, des conneries. On en fait et on en dit, comme oublier la capote. J'ai cette gadget qui dit qu'elle a pas. Et toi ta mort, tu as la pas. C'est la vie et la vie, faut l'assumer. Y'a plus le temps pour les regrets, maintenant trouve bien pour les désespérer. Je comprends plus, un jour on prend des résolutions. Et un autre on se voit bien ici, des cachetons, y'a plus de solution. Continue à faire ce que t'as à faire, vis il faut vivre. Tes affaires, ça fera l'affaire pour trop mentir, signe d'harmonie. Gars et d'harmonie, gars, même pour cette soirée de Monica, tu vois pas où au studio, même avec des gommettes, tout pour micro à cause de la haine. Vu des sarcos, écoute-moi, fais pas le narco. Là je suis rapate, et dans ma tête c'est pas Bagdad. Moi je viens de rabattre, demande à Brahim qui fait une petite flèche. Là-bas y'a pas de flic, les tickets. Mais y'a des pépettes. On commence par raquette avec Cutter. Après voilà le scooter, à n'importe quelle heure. 40 20 dealers. Touche mon cœur, il va comme un marteau piqueur. Alors dealer, que nous chinois on picole tous d'alcool. Amis de la zone. T'as vu, je vais péter que l'abus. T'as vu, on dirait qu'il a bu. Gat, ça démarre sur l'avenue de la République. Rallye, nous chez nous, tout dans le rallye. Demande à Brahim, tu niques le ring et les gros strings. Nous, missiles, on n'a pas de piercing. Si nous, même les petits, tu les vois tous pédants entre les dents. Ils rêvent tous de refaire 18 ans. De toute façon, on sait tous qu'on va mourir. Mais c'est pas ça qui va nous faire enlever le sourire. Car tant qu'on est vivant, on va courir. Ouais, ouais. L'interdiction de l'État, que les jeunes boivent des plaques. Qu'ils me déplacent en dehors devant l'impact et laissent les homos signer leur pacte. Si un jour je les braque, je les verrai jusqu'à qu'ils crachent. Car j'ai jamais été applaudi comme The King. Celui qui met son adversaire avant le drink. Par la pété sans string, celle qui tourne autour du ring. On ne fait pas ce qu'on veut, mais si c'est nous contre eux, je garde les mêmes idées sociales. Si je reste braqué, je représente ma bande, prêt à tout braquer. Quand ils voient, t'es pas décontracté. Les thèmes sont toujours pareils, faut passer le même. Avec le goût de la cuite et la bête, et fume pas ses goûts. Oh, inquiète pas, les vieilles on kiffe rien de blindé dans l'indé, mais c'est mort, t'as vu où on est né, dis ma musique et mes lyrics. Toujours contre les flics, j'adresse ce texte à tous les initiés qui savent que c'est gratté bitume pour s'alimenter. Reste pas chez toi à glander alors que le monde allie les inégalités. Ouais, ouais. Mon missile, on fait hala jour et nuit, car on s'ennuie. Les gosses de course poursuite avec la chemiture. Car vol de voiture, on drogue des deals durs. Cagoulé de la tête aux pieds pour planter nos pieds. Y'en a qui sont pas de papier, mais ils finissent plombier. Ouais, ouais.